C'est-à-dire que t'es pas un fanatique des voyages. Enfin, je veux dire, Oui. c'est relativement étonnant quand tu dis ça. Parce que si tu veux, t'es un. Enfin, dans la manière dont tu décris ce que tu as fait, il y avait quand même un attrait des voyages, il semble. Hein? Pas des voyages, Est-ce que c'est-à-dire, c'est c'est pas le passionnant? voyage, hein, dans la mesure où, tu vois, on a, par exemple, j'étais en Allemagne, je suis resté à Munich, j'ai très peu voyagé en Allemagne, non? À Mexico, je n'ai rien vu au Mexique. J'aurais aimé en voir davantage. Hein? Ici, j'espère quand même connaître ce qui est autour. Mais il y a des gens, au fond, qui ne peuvent pas rester chez eux. Alors, 4 heures, hop, ils vont quelque part. Ils vont au ski, tu vois. Moi, j'ai jamais été au ski. Hein? Je suis chez moi, j'ai du travail, ou je lis, je reçois des amis, des choses comme ça. Hein? Mais d'un autre côté, une chose qui me plaît ici au Liban, c'est, bon, tu as la Syrie, la Turquie, la Jordanie, tu peux aller plus à l'est. Rentrer en France en voiture, c'est-à-dire connaître la Grèce, la Yougoslavie, la Bulgarie, etc. Non, je crache pas sur les voyages, hein, mais il y a certains côtés très casaniers. Par exemple, pendant les vacances de Noël, vous êtes resté Oui, ici. bien sûr. En plus, Anita arrive. Oui. Hein, Anita arrivait. Il fallait que. C'est à ce moment-là où les gens qui habitaient sont partis, ça a été des fêtes, etc. Oui. Oui. Oui.